La RNT arrive sur l'île prochainement. Vous allez retrouver RPL 24h sur 24 en numérique comme de nombreuses autres radios. Équipez-vous dès maintenant d'un récepteur DAB pour nous suivre dans cette aventure. What is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Fan Club, les rafters du samedi matin. RTL, de 5h à 17h sur le 99FM et 24h sur 24 sur le www.rtl99fm.com. RTL, l'autre radio. Bonjour et bienvenue dans Fréquence Club, votre after du samedi matin. Kimbo pour vous accompagner. On est parti jusqu'à 9h. Vous avez reconnu la petite musique, c'est celle du Selectrax. Ce matin, on va se faire un spécial 2h. On remercie Tonton Jay et son émission Back to the House que vous retrouverez samedi prochain. Donc on va commencer tout doucement comme d'habitude dans le Selectrax. Et vous verrez à la demi-heure, ça va changer de rythme. Et dans la deuxième partie, on sera beaucoup plus éclectique. Donc le premier morceau qu'on s'écoute, c'est Azahal et le titre, c'est Atlantique. Donc si vous êtes au boulot, bah, je vous souhaite bon courage et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Écoute sur les ondes de RPL et bon réveil. va enchaîner avec le morceau d'Alain et Lyon, et le titre c'est Your Time, Your Place. Thank you. propose tout de suite un remix de DKA. Le titre c'est Street of Mexico et l'artiste original c'est David Dorad. Bonne écoute. Thank you. replay sur le www.frequenceclub.com. Avec le titre de Alan Finch et le titre c'est Tropic Groove. Bonne écoute. Thank you. votre radio. Kimbo. Et je vous propose le petit ovni du Selectrax, donc le titre c'est Durbowl et les artistes sont Ash, Roy et Count. s'écoute maintenant le titre Everything is Sound et l'artiste c'est Calm Core. Bonne écoute. Has now been scientifically shown to be provable. When a sound resonates across a plate and resonates those particles in tune with the sound. Because when we think, we're not just sending out the wave which resonates the energy, we're sending out on a frequency outside of the range of human hearing, we're sending out a sound. Everything is sound. When we think a sound goes out, it resonates the energy around us to that sound. And how sound takes random particles and turns it into astonishing form. And that's how this universe was created. In the beginning was the word, and the word was sound. Particles formed into patterns by sound. They were all over the place to start with, just in random positions on the plate. As soon as the sound appears, they form into these patterns because everything is sound. And it's sound that turns matter and energy into form. Matter and energy into form. Turns matter and energy into form. Matter and energy into form. Turns matter. Energy into form, matter and energy into form. RTL de 5h à 17h sur le 99FM et 24h sur 24 sur le www.rtl99fm.com. RTL, l'autre radio. Et on va terminer cette première heure de Selectrax par le coup de cœur. Donc c'est comme la semaine dernière, le morceau de Charlotte DeWitt. Vous allez voir, ça tape assez fort et c'est très mélodieux derrière. Donc le titre c'est Day One de Christian Smith. Bonne écoute. va s'achever. Vous pourrez retrouver le podcast sur le site de la radio. Je vous rappelle l'adresse, c'est le www.rpl99fm.com. Restez calés sur les ondes du 99FM. On va enchaîner avec une deuxième heure de Select Trance. www.fréquenceclub.com. Je suis contre les slow. Bah pourquoi? Parce que je peux pas bouger mon body. Du coup, j'écoute Fréquence Club sur RPL. Voilà. RPL, dans toute la métropole lilloise. RPL. Bonjour, c'est Gabi. Retrouvez-moi le mercredi entre 21h et 23h en direct sur RPL Pro pour la face cachée. Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est Toz Atwork d'Element of Freedom. Retrouvez-moi chaque vendredi de 22h à 23h sur RPL Electro. Salut, c'est Géraldine de Voulez-vous danser ? Retrouvez-nous tous les mardis de 20h à 21h sur RPL Electro. Salut, c'est Wesley des Balades Dominicales chaque dimanche de 18h à 19h sur RPL Electro. Salut, c'est Mastera. Retrouvez-moi un dimanche sur deux de 14h à 15h pour Apocalyptic Sound sur RPL Electro.